Remixé avec des cris de viewers. Faites au coffre-fort, j'ai loté des paillettes. Même mon pompe a mis des lunettes. On danse sur les clous, on glisse sur des pièges. Rider skill t'apprend à faire la fête en siège. Danse de la pioche, hip-hop du farm. Quand t'es full stone, t'oublies le drame. Viewer fidèle, mets-toi bien, t'as survécu, t'as ton festin. Calme, chelou. Puis drop, débile. Un moment de paix. Un moment de grâce. Alarme, roquette, en fond, là c'est la fête ou c'est le wipe. Creed viewer, alarme, roquette, en fond. Avec un ridicule et vibes électro-fun qui fait au coffre-fort, j'ai looté des paillettes. Même mon pompe a mis des lunettes. Ma team c'est des clowns et des tueurs. On fait des saltos dans la douleur. Fait au coffre-fort, j'ai looté du groove. Mon lance-patate, t'apprends les moves. Russe c'est l'enfer mais ici c'est chill. Bienvenue dans la zone, Rider Skill.